بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 6. Le cours numéro 6 dans l'explication de tafsir surat An-Nisa. Le tafsir du Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et au dernier cours, on avait terminé l'explication des versets. Si je me souviens bien, c'est de 5 à 7, les versets de 5 au verset 7. Et on a terminé donc l'explication générale de ces versets-là. Maintenant, le Cheikh, il va mentionner des points bien spécifiques dont on peut profiter dans ces versets-là. Et c'est les points qu'il a mentionnés, il y en a en tout 21 ici. Donc, c'est des points qui sont, disons, assez courts, mais qui sont vraiment bénéfiques. Donc, on va lire ça ensemble, Inch'Allah. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit « وهذه الآيات تدل على أحكام. أولا تدل على وجوب حفظ الأموال مال الإنسان ومال غيره ممن هو ولي عليه وأن هذه الأموال لها قيمتها ومنفعتها للمجتمع. » Donc, premier point qu'on peut tirer de parmi les points bénéfiques et les règles qu'on peut tirer de ces versets qu'on avait lus dans le dernier cours, c'est premièrement le fait que les versets indiquent que il est obligatoire pour chaque personne de préserver leur argent, de garder son argent et ses biens. Parce que des fois, peut-être que certaines personnes pourraient avoir une idée ou une façon de penser que, étant donné qu'on donne pas, on veut pas donner trop d'importance à la dunya et qu'on donne plus d'importance, wa alaykoum salam wa rahmatullah, et qu'on veut donner plus d'importance à l'au-delà qu'à la dunya, donc certaines personnes vont penser peut-être que c'est pas grave si on gaspille des biens qu'on a. Ou des choses qu'on a achetées avec notre argent, on dit « Ah, c'est pas grave, c'est juste de la dunya, donc on peut le jeter, on peut le détruire, on peut le gaspiller, c'est pas grave. » Mais ça, c'est incorrect de penser comme ça. Hein? Ou bien, par exemple, quelqu'un qui prend de l'argent, hein? un billet d'argent, par exemple, pour le brûler. Hein? Puis il dit « Ah, regarde, moi, je donne pas d'importance à la dunya, je brûle mon argent, tu vois, pour montrer que ça m'importe peu. » Ça, c'est haram de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est du gaspillage. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le gaspillage. Inna al-mubadhirina kanu ikhwan ash-shayatin. Ceux qui gaspillent sont les frères des diables. Donc, il ne faut pas penser que l'islam, elle n'incite pas les gens à préserver les biens qu'ils possèdent. Si tu as des biens, préserve tes biens. Essaie de les préserver le plus longtemps pour être capable d'en profiter le plus longtemps. Et ça fait partie des exemples ou des signes de la baraka, de la bénédiction, qu'une personne soit capable justement de bien profiter de ses biens et d'en profiter longtemps. Donc, les richesses et les biens que quelqu'un possède et l'argent, il doit le préserver et il doit aussi préserver les richesses et les biens qui appartiennent aux autres. Donc, si tu dis, par exemple, ça, c'est à moi, je fais attention. Mais qu'est-ce qui appartient aux autres, ça ne me dérange pas, je peux le briser ou je peux le casser, ça ne dérange pas. Ça, c'est également, ce n'est pas permis. Tu dois faire attention aux biens des autres de la même manière que tu fais attention à tes propres biens. Parce que des fois, quelqu'un, par exemple, tu lui prêtes quelque chose et quand il te le rend, il est brisé. Ou il est... C'est comme si la personne, elle n'en a même pas fait attention. Elle n'a pas fait attention à la chose que tu lui as prêtée. Alors qu'en principe, dans l'islam, si tu prêtes quelque chose à quelqu'un, il est supposé de le préserver comme si c'était à lui. C'est-à-dire, il devrait faire attention à cet objet-là ou à cette chose et s'en occuper comme il faut, comme si c'était le sien. Donc, peu importe que l'argent soit ton argent ou l'argent de quelqu'un d'autre, tu dois préserver ces biens-là. Et si c'est l'argent des orphelins, tu dois aussi t'en occuper comme si c'était le tien. Et tu dois donner à cet argent-là son importance et faire en sorte que, yani, on en profite, que ce soit un bienfait pour la société en général aussi, dans le sens que on l'utilise dans le bien. Ensuite, le cheikh il explique, il dit wa thaniyan tadullu al-ayat ala hurmati al-amwal wa annaha la yatala'abu biha wa la tadhi'u wa la yata'adda 'alayha. وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Donc ici le cheikh il explique que ces versets là indiquent que les biens du musulman sont sacrés, hein, et donc il faut les respecter, il faut pas jouer avec, il faut pas les gaspiller, il faut pas transgresser contre les biens des autres non plus. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, tout ce que le musulman possède est sacré pour un autre musulman. Son sang, ses biens et son honneur. Ça, c'est sacré. Ça veut dire que tu dois pas transgresser ou dépasser cette limite-là. Le troisième point, ثالثاً يؤخذ من هذه الآيات وجوب الحجر على السفهاء. والحجر معناه منعهم من التصرف في أموالهم لأجل حظهم. Hein? Ou les hazzi ghayrihim. Falhijr, ala al-qasir, innama huwa li hazzihi wa manfa'atihi huwa li an la yadhi'u maluhu. Walhijr ala al-muflis li hazzihi wa hazzi haqqil ghurama'i wa da'inin. Falhijr waridun fil islam li maslahati hifzi al-mal wa yani maslahati al-mahjur alayhi wa li maslahati al-da'inin. Donc ici, le cheikh, il explique que parmi les points qu'on peut tirer de ces versets, il y a aussi le fait qu'il est obligatoire de prendre en charge les biens de ceux qui sont encore trop jeunes pour savoir comment gérer l'argent. Donc les gens qui sont faibles d'esprit, on met leur argent sous tutelle parce qu'ils ne sont pas encore capables de savoir comment gérer l'argent. Et ça signifie que on les empêche de gérer eux-mêmes leur argent ou leurs biens, soit pour leur propre intérêt à eux ou l'intérêt de d'autres personnes. Par exemple, lorsque on met l'argent de quelqu'un sous tutelle parce que il n'est pas encore apte à gérer son argent, donc c'est pour son bien à lui, c'est pour son bienfait à lui et pour que il puisse justement en profiter de cet argent-là plus tard. Et pour pas que son argent soit gaspillé ou perdu. Et aussi, on peut également mettre l'argent de quelqu'un qui est en faillite sous tutelle pour être sûr qu'il y aura des fonds pour payer les créanciers ou ceux à qui cette personne doit de l'argent. D'accord? Donc, le juge, il peut, par exemple, bloquer le compte d'argent, le compte ou l'argent de quelqu'un qui a des dettes ou qui est endetté et qui refuse de payer ses dettes pour faire en sorte que il le forcer à payer à ses créanciers ou aux personnes à qui il a des dettes. Donc ça, c'est des règles qui font partie de l'islam. Et si vous regardez dans les livres de fiqh, vous allez voir que dans Kitab al-Buyur, le chapitre au sujet du commerce et des biens, et il y a un chapitre ou un sous-chapitre qui parle justement de Al-Hijr. Ça fait partie des sujets qui sont traités dans les livres de fiqh. C'est très connu et vous allez le trouver facilement. Même dans Al-Mulakhas al-Fiqhi, il y a un chapitre sur ce sujet-là. Et dans la plupart des grands livres de fiqh, vous trouvez ce sujet mentionné sans difficulté. Donc ça fait partie des principes de la religion de l'islam et c'est pour le bien, hein, pour préserver les biens des personnes et pour le bien ou pour l'intérêt de la personne dont les biens sont sous tutelle et pour les biens des créanciers, c'est-à-dire ceux à qui cette personne-là doit de l'argent aussi. رابعا يؤخذ من هذه الآيات أن الأموال تقوم بها مصالح العباد ولهذا قال سبحانه التي جعل الله لكم قياما أي تقوموا بها مصالحكم وحياتكم. فالأموال لها أهمية في مصالح المجتمعات وأفرادا وجماعات. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، لأن المال به تقوم مصالح العباد فلا يجوز إضاعته. Donc quatrièmement, on peut tirer de ces versets également que les biens sont là pour établir l'intérêt et les biens les choses qui sont bonnes pour les serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de ces biens-là quelque chose par lesquels on est capable d'établir le bien et la vie et les intérêts des hommes dans la vie d'ici-bas. Donc, c'est par ces biens-là et par cet argent-là qu'on est capable d'établir tout ce qui est bon pour les hommes et d'organiser la vie des gens. Et donc, les biens et la richesse des gens, ça a une grande importance. Ça a une grande importance pour l'intérêt et les biens de la société, que ce soit les individus ou les groupes qui composent cette société-là. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit donc de gaspiller l'argent. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Il ne faut pas penser, par exemple, que parce qu'on ne veut pas, par exemple, donner plus d'importance à la dunya qu'à l'au-delà, que ça signifie qu'on ne doit pas donner du tout d'importance à l'argent, ou qu'on ne doit pas du tout donner d'importance aux biens qu'on possède et qu'on peut les jeter ou les brûler ou les casser ou des choses comme ça. Non. Et des fois, yani, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut punir quelqu'un justement dans le fait qu'il lui enlève la baraka qu'il a dans ses biens, du fait que chaque fois qu'il achète quelque chose, ça se casse ou ça se brise. Et des fois, c'est lui qui le brise sans faire exprès. Ou des fois, c'est ses enfants qui vont le briser pour lui. Et donc, tu dis, subhanallah. Des fois, c'est choquant. Des fois, tu dis, mais cette chose-là, je l'avais pendant 30 ans, je l'ai utilisée. Ou bien pendant 20 ans, je l'avais, je ne l'ai jamais brisée. Puis là, quelqu'un, il met sa main dessus. Et là, automatiquement, il se casse. Tu dis, subhanallah. Donc, c'est pour ça, des fois, tu essaies de mettre des choses hors de la portée. Des enfants ou des autres personnes pour éviter que justement ils viennent le toucher. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas méticuleux, ils ne font pas attention à leurs choses. Ils laissent traîner ou bien ils le jettent ou ils le brisent sans faire attention. Donc ça, ce n'est pas correct. Si tu as quelque chose qui fonctionne et qui est en bon état et que tu es capable de le garder plus longtemps pour en profiter plus, alors fais attention. N'est-ce pas cette chose-là se casser ou se briser comme ça pour rien? D'accord, ça c'est important. Et aussi, des fois, bon, peut-être que ça n'a pas un rapport direct avec le sujet, mais c'est important aussi quand même, c'est qu'il y a des choses, des fois, que des gens achètent, et ils achètent, par exemple, des choses qui sont vraiment mauvaise qualité, et ce qui fait qu'à une courte période, ils doivent en acheter un nouveau à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est une qualité qui est mauvaise, et à chaque fois, ça se casse, tu es obligé de le jeter. Donc, des fois, ça vaut la peine d'acheter quelque chose un peu plus cher, qui est une meilleure qualité, qui va durer beaucoup plus longtemps. Tu n'auras pas besoin d'en acheter un à chaque fois. Et en même temps, même si tu meurs, peut-être que tes enfants ou bien tes proches, ils vont pouvoir en profiter parce que ça va être encore bon. Et les gens pourront en profiter encore. Donc, il y a un bienfait dans le fait d'acheter des choses de qualité qui fonctionnent bien et qui ne vont pas se briser facilement. Et malheureusement, à notre époque, souvent, les compagnies font fabriquer des choses qui se brisent après un certain temps, et en général, c'est juste après que la garantie soit terminée. Et là, comme par hasard, la garantie elle se termine et le produit se casse. On dirait que les ingénieurs qui l'ont fabriqué, ils ont calculé ça pour que ça se casse justement à ce moment-là. Alors que les gens, dans le passé, quand ils créaient ou fabriquaient quelque chose, eh bien, c'était leur honneur qui était dans le produit qu'ils fabriquaient. Et ils ne voulaient pas justement qu'il y ait des défauts parce qu'ils considéraient que s'il y avait des défauts ou bien s'il y avait des problèmes dans la qualité, que ça allait donner une mauvaise image à son produit et qu'il allait avoir une mauvaise réputation à cause de ça. Donc, il veut protéger et préserver son image, son honneur. Et donc, il fait attention pour que son produit soit de haute qualité. Aujourd'hui, les gens, c'est plus comme ça. Maintenant, c'est le profit le plus vite possible et de produire le plus rapidement, au plus bas prix possible et en plus grande quantité possible pour faire le plus grand profit en le plus court temps possible. Et puis, le résultat, on le voit, qu'est-ce qui se passe. Nasrallah al-afiyah. Donc ça aussi, ça, des fois, ça rentre dans le gaspillage. Il y a des gens, parfois, ils veulent dire, ah, je ne veux pas acheter, hein, si j'ai le choix d'acheter un produit qui coûte 100$ et l'autre qui coûte 20$, je vais acheter celui qui coûte 20$. Il est obligé d'en acheter 5 par année. Tandis que s'il a acheté l'autre qui coûte 100$, peut-être que ça va lui durer 3 ans, 4 ans, il n'a pas besoin d'acheter un autre. Donc, à la fin, à long terme, ça lui revient plus cher. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, ça, c'est un point aussi qui peut avoir son importance. Donc, c'est bien de penser à ça aussi. Khamisan, yukhadu, yani, ou bien était rendu à Rabi'an. Non, c'est ça. Khamisan, yukhadu min hadhihi l'ayat, wujubu l'infaq ala zawjati wal awlad wal aqarib. الذين ليس لهم من يغنيهم فيجب على قريبهم الغني أن ينفق عليهم قدر حاجتهم وهذا من باب التكافل الاجتماعي الذي هو من مزايا المجتمع الإسلامي. Donc ça aussi c'est intéressant. Le cheikh il explique que parmi les points qu'on peut tirer dans ces versets là, c'est l'obligation pour le musulman de dépenser de l'argent pour sa femme, pour ses enfants, pour ses proches. Et ça, ce n'est pas des dépenses supplémentaires. Et ce n'est pas une charge supplémentaire dans le sens que la personne a dit « Ah, je suis obligé de dépenser pour ça. Pourquoi je dois dépenser pour payer de l'argent pour ma femme ?» Elle peut aller travailler, faire son propre argent, puis elle aussi, elle va payer ses affaires. Non, ce n'est pas comme ça dans l'islam. Dans l'islam, tu ne peux pas faire ça. Malheureusement, il y a beaucoup de musulmans qui ont cette mentalité-là parce qu'ils imitent les kuffars. Et ils pensent que dans l'islam, il y a l'égalité entre l'homme et la femme. Alors qu'on sait que dans l'islam, il n'y a pas l'égalité entre l'homme et la femme. Il y a la justice entre l'homme et la femme. Et donc, il faut faire la différence entre l'égalité et la justice. Et ça, on le répète tout le temps. Donc, le fait qu'il y ait de la justice entre l'homme et la femme, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être égaux dans toutes les règles. Et par exemple, dans l'islam, il n'y a pas d'égalité dans les dépenses pour l'homme et la femme dans le foyer. Il n'y a pas d'égalité là-dedans. C'est l'homme seulement qui doit payer pour les dépenses de la maison et qu'est-ce qu'il a besoin pour nourrir sa femme et ses enfants et le logement, les vêtements, tout ça, c'est sa charge à lui seulement, pas à la femme. Donc, celui qui dit à sa femme, « Sors, va travailler, va faire de l'argent. Si tu veux acheter des choses, tu veux manger, tu dois payer pour payer la moitié avec moi, ou bien tu dois payer ci, ou bien moi je paye ça, et on partage les coûts, et on partage les dépenses, et on partage les frais. » Ça, c'est pas correct. Et également pour les enfants. Tu dis, ah, j'ai gaspillé combien d'argent pour les enfants, les amener acheter des vêtements, acheter les fournitures pour l'école, acheter ci, acheter ça. Hein, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans ça. Subhanallah, qu'est-ce que tu as acheté pour eux? Ça, c'est une obligation pour toi. Ça rentre dans tes devoirs en tant que parent, en tant que père. Donc, tu n'as pas le droit de te plaindre de ça. Et le pire encore, c'est que quand tu dépenses pour ta femme, tu dépenses pour tes enfants, ça rentre dans les choses pour lesquelles tu reçois une récompense d'Allah pour ça. Donc, non seulement c'est une obligation, mais Allah, il te récompense pour cette obligation-là. Hein? Donc ça fait partie de la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il te récompense même pour des choses qui sont obligatoires. Hein? Et en même temps aussi, si tu as des proches et des gens dans ta famille qui sont dans le besoin et qui n'ont pas d'argent et que toi, tu as beaucoup d'argent ou bien tu as suffisamment d'argent pour les aider, alors dans ce cas-là, c'est une obligation pour toi de les aider. Tu ne dois pas dire, par exemple, comme les koufars, ah, mais il y a le bien-être social ou il y a l'aide sociale, le gouvernement, il donne de l'aide aux gens, donc ça veut dire, moi, je n'ai pas besoin de donner, hein, je suis correct. Donc, c'est comme ça que les gens sont devenus maintenant. Et ils s'imaginent que hein, tout est gratuit maintenant, comme l'hôpital est gratuit, les traitements sont gratuits. Hein, ils disent ça, c'est gratuit. Ça, c'est une illusion. Cette gratuité-là, elle est illusoire. Il n'y a pas de gratuité pour de vrai. Parce qu'il y a quelqu'un qui paye quand même. Hein, et il paye avec ton argent parce qu'ils prennent des taxes, ils prennent des impôts. Tout ça, cet argent-là, ça vient de toi, ça vient de nous, ça vient de chaque individu. Tout le monde paye, en réalité. Mais les gens, ils s'en aperçoivent pas parce qu'ils ne payent pas la facture quand ils sortent de l'hôpital. Mais ils payent pour l'hôpital quand même. Hein? Donc, il ne faut pas. J'écoutais l'autre jour un homme qui est sorti de l'hôpital aux États-Unis. Il a passé, je ne sais pas combien de temps, dans les traitements intensifs à cause de la COVID-19. Donc, il est rentré à l'hôpital. Je pense qu'il était sous soins intensifs. Il est resté il y en a peut-être un mois ou 2 mois comme ça à l'hôpital. Quand il est sorti, ils lui ont donné une facture hein, d'hôpital. Bon, lui, il avait une assurance privée probablement, donc qui payait pour lui les frais médicaux. Donc, il n'a rien payé, sauf qu'ils lui ont quand même donné sa facture. Sa facture, je ne me rappelle plus, mais ils ont dit que c'était un gros bloc là, hein, épais. Tellement c'était hein, gros sa facture, c'était comme un livre. Et le total de tous les coûts et des frais, ça dépassait 1 million de dollars. 1 million de dollars de frais de médicaux. Donc, ça c'est pour dire, hein, et toi tu dis, l'hôpital c'est gratuit. L'hôpital c'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui paye quand même. Hein? Mais c'est parce qu'ils prennent ça un petit peu sur l'argent de tout le monde. Donc, ça paraît peut-être moins, mais tout le monde le sait que y en a, ces taxes-là, c'est quand même beaucoup. Hein? 15% à chaque fois que tu achètes quelque chose, là. Si tu achètes quelque chose qui coûte 2 dollars, 15% de 2 dollars, c'est peut-être pas une grosse somme. Mais quand tu vas acheter, par exemple, une voiture hein, qui coûte 10 000 dollars, et puis tu vas payer 15% de ça, là, tu commences à réaliser que finalement, hein? C'est pas si petit que ça, hein, cette taxe. Donc, le gouvernement, il se sert dans les poches des gens. Hein? Et après, il donne aux gens un peu de cet argent-là. Puis ils disent, on aide les gens. Mais ça, c'est pas de leur argent, de leur poche. C'est de nos poches. D'accord? Et pourquoi on dit ça ici? C'est parce que dans l'islam, l'aide sociale, c'est l'aide sociale qui est donnée par les membres de la famille, par les proches qui s'entraident entre eux, hein, pour Allah. Et c'est une obligation et un devoir. Donc ce n'est pas à l'État de s'occuper des gens, mais c'est aux gens de s'occuper de leurs proches et de donner de leur argent. Et j'ai entendu, subhanallah, dans certains pays, par exemple certains pays musulmans, et même des pays non musulmans aussi, que une des grosses parties du revenu c'est-à-dire comment on appelle ça, le PIB, le produit intérieur brut, hein, souvent c'est pas ça, mais c'est, disons, ils calculent de l'argent qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire des gens qui vivent à l'extérieur du pays. Et qui envoient de l'argent pour leur famille et leurs proches, ça monte à des sommes incroyables. Parce que tout le monde qui a un parent dans son pays d'origine, il envoie de l'argent pour aider la famille. Et donc, en Haïti, bon, c'est la même chose. En Haïti, quand il y a quelqu'un qui est aux États-Unis ou au Canada ou bien en Europe ou quoi, à chaque mois, bon, ils vont envoyer une somme d'argent pour aider toutes les gens qui sont là-bas. Hein? Un petit peu d'argent pour lui, un petit peu d'argent pour lui, un petit peu d'argent pour elle, un peu d'argent pour les. Hein? Puis c'est comme ça, Yanni. Mais c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui fait partie, Yanni, des principes de l'islam. de s'entraider comme ça et d'aider les proches. Ça, il y a pas de mal là-dedans. Le problème, c'est juste que il faut que les gens réalisent que s'ils font ça, il faut qu'ils le fassent pour Allah, pour avoir la récompense de cette infaq et de cette sadaqa. Allah les récompense pour ça si ils le font avec la bonne intention. Et le cheikh, il dit, فَيَجِبْ عَلَى قَرِيبِهِمُ الْغَنِي, donc il est obligatoire pour les proches qui sont riches de donner à ceux d'entre eux qui sont dans le besoin, selon ce qui est nécessaire pour eux. Et ça fait partie de la solidarité sociale dans l'islam. Hein? Et ça fait partie des particularités de la société musulmane. Et ça, c'est une des choses, effectivement, si quelqu'un va voir comment ça se passe dans les sociétés musulmanes, et moi j'ai vu par exemple dans certains pays en particulier comment les musulmans sont extrêmement généreux, hein, et c'est quelque chose que quelqu'un ne peut jamais imaginer. Il y en a quelqu'un qui a vécu ici, en Occident, il ne peut pas imaginer cette générosité-là que ça existe. Hein. Les gens, ils peuvent pas comprendre. Parce qu'il faut le voir pour le croire. Hein? C'est la réalité, subhanallah. Après le cheikh dit, وَسَادِسًا كَمَا تَدُلُّ الْآيَاتِ عَلَى وُجُوبِ الْإِنْفَاقِ عَلَى الصَّغِيرِ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ وَأَنَّ وَلِيَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ الَّذِي هُوَ تَحْتَ وِلَايَتِهِ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَدْرَ حَاجَتِهِ يحرمه بحجة أنه صغير أو أنه قاصر. Donc, sixièmement, on peut tirer de ces versets que il est obligatoire de dépenser pour la personne qui est petite, pour l'enfant, hein, selon le besoin. Et il dit que son wali, son tuteur, ou son responsable, son parent, ou si c'est un orphelin, ce sera son tuteur, celui qui s'occupe de lui. Il doit dépenser de l'argent, hein, de l'argent pour s'occuper de celui qui est sous sa responsabilité. Donc il lui donne selon ce qu'il a besoin. Et il ne lui prive, hein, de son argent. S'il est orphelin, par exemple, il ne le prive de son argent que pour son bien à lui, parce qu'il est petit et qu'il ne sait pas encore comment s'occuper de son argent. Si tu remets l'argent à l'enfant alors qu'il est petit, soit il va le gaspiller ou soit il va se le faire voler par quelqu'un d'autre. Hein. Donc c'est bien qu'il soit dans la main de quelqu'un qui puisse le protéger cet argent-là et le garder pour lui. Sabi'an fi qawlihi ta'ala. وارزقوهم فيها ولم يقل منها دليل على أنه يجب أن تنمى أموال المحجور عليهم من الصغار ومن في حكمهم وأن تنمى بالاتجار فيها حتى لا تأكلها الزكاة ولا تأكلها أيضا النفقة بل يعني تدار في التجارة والتنمية حتى يحصل منها أرباح تسدد الإنفاق وتسدد الزكاة وتزيد في الأموال. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit et donnez-leur de leur subsistance de par cet argent-là, hein, dans cet argent-là, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit de cet argent-là, mais de par cet argent-là, c'est-à-dire comme si en voulant dire que cet argent-là, il faut la faire augmenter, la faire croître. Il ne faut pas y juste la prendre et la mettre dans un coffre, hein, puis le laisser là, parce que qu'est-ce qui risque d'arriver, hein, sur cet argent si tu l'enfermes comme ça? Eh bien, avec la zakat, chaque année, ça va diminuer. Et aussi avec les dépenses que tu dois faire pour justement nourrir cet enfant, puis t'occuper de lui, l'argent va baisser petit à petit. Et à la fin, quand il va arriver pour prendre son héritage, quand il va avoir l'âge, eh bien, il ne restera plus autant d'argent. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le cheikh, il dit, il faut faire travailler cet argent-là pour augmenter cet argent-là. C'est-à-dire, il faut que tu l'investisses ou bien il faut que tu fasses du commerce avec pour que ça monte, pour que ça augmente. Comme ça va couvrir, hein, avec les profits, ça va couvrir hein, les dépenses et ça va couvrir la zakat qui va être prise dedans et ainsi de suite. Et comme ça, les biens vont augmenter. C'est pas juste de prendre l'argent, la mettre dans un compte de banque comme ça ou dans un coffre-fort, puis après ça, tu le laisses diminuer petit à petit. Ça, c'est pas bon. Hein, c'est pas la bonne méthode. Ensuite, le cheikh il dit وثامنا يؤخذ من هذه الآيات تطيب خاطر اليتيم بأن يقال له قول معروف يعني تطيب به نفسه بأن يقال مثلا أنه سيعطى ماله إذا كبر وأن ماله محفوظ لمصالحه حتى يعني يحسن استلامها والتصرف فيها وأنه ليس المقصود من الحجر عليه حرمانه من ماله. Donc il dit le cheikh que c'est bien de dire à cet enfant là de lui dire des choses qui vont yani le réconforter ou le rassurer en lui-même. D'accord? Donc tu lui dis une bonne parole, une belle parole dans le sens que tu lui expliques que cet argent là, c'est à toi quand tu vas être plus grand. On va te le donner, on ne fait que le préserver pour toi, pour ton bien, et lorsque tu seras plus vieux, on va te le donner, cet argent-là, et le but, ce n'est pas de te priver de ton argent, mais c'est plutôt justement pour yani ton bien, pour protéger cet argent-là pour toi, pour le préserver, et yani pour être sûr que quand tu vas être grand, ça va être toi qui vas en profiter. Donc, quand l'enfant il entend ce genre de paroles, il va être rassuré. Il ne va pas être inquiété par yani, qu'est-ce qui l'attend plus tard par rapport à cet argent-là, ou de crainte qu'on veut uniquement l'empêcher d'avoir son argent ou des choses comme ça. Tasian, kama yu'khadu min hadhihi al-ayat wujubu daf'i mal al-yatim ilayh. Wa dhalika yaqtadi hifdhuhu, yaqtadi يعني حفظه والعناية به حتى يدفع إليه عند أوان الدفع موفرا لأنه لا يمكن أن يدفع إليه على التمام إلا إذا حفظ واعتني به ولكن الدفع يشترط له شرطان الشرط الأول البلوغ ويعني بلوغ الحلم وزوال الصغر والشرط الثاني الرشد في ماله بأن يحسن التصرف فيه فإذا توفر هذان الشرطان وجب الدفع إذا حصل البلوغ ولم يحصل الرشد فإن الحجر يستمر لأن الحاجة لا تزال داعية إليه. Donc le cheikh il dit neuvièmement, donc il est obligatoire de remettre à cet orphelin son argent et yani ça veut dire que yani on doit s'en occuper, préserver cet argent-là jusqu'à ce qu'il le reçoive, jusqu'à ce qu'on lui donne. Et il n'est pas possible de lui remettre complètement cet argent-là, hein, excepté si on l'a préservé et si on s'en est préoccupé. Mais en même temps, il y a deux conditions pour qu'on puisse lui donner cet argent-là. Première condition, c'est qu'il ait atteint l'âge de puberté. Donc, il faut qu'il ait atteint l'âge de puberté. C'est-à-dire que c'est plus un petit ou un enfant. Et deuxièmement, il faut qu'il ait atteint une certaine maturité dans la façon de gérer l'argent. Qu'il sache comment bien se comporter avec l'argent. Et si ces deux conditions-là ne sont pas réunies, alors dans ce cas-là, on ne pourra pas lui donner l'argent. Il faut que les deux conditions soient ensemble. À ce moment-là, il pourra toucher son argent. عاشرا يؤخذ من هذه الآيات أن الكبير إذا لم يكن رشيدا فإنه لا يزال الحجر عليه لأن الله رتب دفع المال اليتيم إليه بشرطين الشرط الأول البلوغ والشرط الثاني الرشد والمرتب على أمرين لا يحصل بحصول أحدهما. Donc le cheikh spécifie ici pour ce point-là que il faut vraiment que les deux conditions soient ensemble. S'il n'a pas, par exemple, Ar-Rushd, eh bien, il ne pourra pas toucher l'argent tant que, yani, il ait respecté les deux conditions. 11 تدل هذه الآية على أن رشد الصغير يعرف بالابتلاء قبل البلوغ، وذلك حينما يراهق يعني يقارب البلوغ، فإن وليه يعطيه شيئا من المال قليلا يراقب تصرفاته، فإن تصرف في هذا المدفوع إليه تصرفا حسنا فهذا يدل على رشده فيدفع إليه المال، وإن تصرف تصرفا غير لائق فإنه لا يزول الحجر عنه ويبقى المال تحت رعاية الوصي. Donc le cheikh il explique comme point numéro 11 que ce verset là il indique que la personne qui est petite ou l'enfant, comment on va faire pour savoir qu'elle a atteint une certaine maturité ou qu'elle est prête pour savoir comment gérer l'argent? Eh bien, c'est parce qu'on doit tester cet enfant-là. On doit lui, l'éprouver. C'est-à-dire que tu vas lui donner une petite somme d'argent pour voir comment il va gérer cet argent-là. Et ça, c'est au moment où on voit qu'il approche la puberté. Donc, quand tu vois qu'il arrive à un certain âge, commence à s'approcher de la puberté, donc tu lui donnes un petit peu d'argent, puis tu regardes comment il va l'utiliser, qu'est-ce qu'il va faire avec, est-ce qu'il sait comment gérer bien comme il faut. Tu lui demandes d'aller, par exemple, pour aller acheter certaines choses. Tu vois, par exemple, qu'est-ce qu'il achète. Est-ce qu'il achète des choses qui sont... que ce sont les bonnes choses qu'il achète ou non. À la kulli hal, s'il gère bien, on lui donne son argent. Mais s'il ne gère pas encore comme il faut, eh bien, il faut continuer à garder cet argent-là jusqu'à ce qu'il soit en mesure de gérer l'argent comme il faut. C'est-à-dire que même il y a des adultes qui gaspillent leur argent. Oui, c'est vrai, mais peut-être que justement, ils n'ont pas été enseignés. Ou peut-être que leurs parents ne leur ont pas montré comment bien gérer l'argent. Allahu a'lam, ala kulli hal. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui a de l'argent, puis qu'il n'a jamais appris comment gérer son argent, ben, en général, c'est comme ça. Il y a des gens comme ça, comme tu dis. Il y a des gens comme ça, ils gaspillent toujours leur argent. Donc, mais si c'est par exemple, s'il a il y a des gens dans sa famille qui peuvent gérer cet argent-là pour lui, et qui vont par exemple demander à ce que son argent soit mis sous tutelle pour que justement il cesse de les gaspiller. Dans ce cas-là, ça, c'est possible, mais Souvent, yani, les gens dont on met les biens sous tutelle, yani, j'imagine que ce n'est pas n'importe quelle somme. Il faut quand même que ce soit quand même une certaine somme d'argent. Parce que sinon, c'est vrai, comme tu dis, il y a des gens qui sont riches, là, ils vont s'acheter, ils ont dit, ah, je vais m'acheter la nouvelle voiture de l'année, je vais m'acheter un palais, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Pour eux, ça, c'est du petit change. C'est-à-dire, c'est rien d'acheter ça pour eux. C'est comme de l'argent de poche. Hein? Donc, c'est relatif aussi en même temps. Il y a des gens, comme tu dis, c'est ça, ils ont eu ça en héritage, ils ne savent pas la valeur. Donc, ils ne vont pas réfléchir en achetant des choses, ils vont acheter n'importe quoi. Allahu a'lam, je ne sais pas, Yanni. Mais disons que pour l'orphelin, il faut vérifier ça. Parce que c'est une amane, hein? C'est une responsabilité, un gage. Et tu vas être questionné là-dessus au jour de la résurrection. Donc tu dois faire ton travail de façon consciencieuse et respectueuse. Peut-être que quelqu'un, par exemple, il va dire, oh, moi ça ne me dérange pas, je lui donne son argent, c'est à lui de s'occuper. Puis si le gaspille, tant pis pour lui. Hein? Mais ça, ce n'est pas correct. Hein, c'est pas ça qui est le rôle du tuteur. Ensuite, le cheikh dit وَثَانِ عَشَرْ كَمَا يُخَذُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا. يعني تحريم التوسع في أكل الولي من مال اليتيم انتهازا لولايته عليه وانتهازا لفرصة صغره يعني في أنه لا يدري عنه أو لا يطلع على إسرافه. فإذا أذن له في الأكل من مال اليتيم فليكن في حدود الضوابط الآتية، وهي قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. Donc ici le cheikh il explique que comme point numéro 12, on peut tirer de ce verset là que si le tuteur ou celui qui s'occupe de l'orphelin il a le droit de prendre un peu de cet argent de l'orphelin pour yani, se nourrir lui aussi, ou bien pour des dépenses dont il a besoin pour des choses nécessaires. Dans ce cas-là, c'est permis, mais il ne faut pas que ce soit fait avec excès ou avec exagération. Parce que s'il commence à se laisser aller dans le fait de prendre de cet argent qui appartient à cet orphelin, et il dit, bon, de toute façon, c'est moi le tuteur, puis de toute façon, il est petit, donc il ne sait même pas qu'est-ce que je prends, donc ça ne dérange pas. Donc il va se laisser prendre cet argent-là, et il va l'utiliser comme si c'était à lui, et ça veut dire que ce n'est pas correct. Et le cheikh, il dit, si il a eu la permission de prendre ou de manger un peu dans ces biens-là, il faut que ce soit fait selon les règles telles que Allah l'a mentionné dans le verset. Et celui d'entre eux qui est pauvre, c'est-à-dire que si lui, la personne qui est tuteur de cet enfant orphelin, il est lui-même pauvre, il n'a pas beaucoup d'argent, Allah dit « فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » C'est-à-dire qu'il mange selon ce qui est, selon ce qui est reconnu comme étant, qu'est-ce qui est correct, c'est-à-dire la limite de qu'est-ce qui est acceptable dans cette société-là. Selon ce qu'il mange, lui, habituellement, il ne va pas dépasser la limite. Donc, il va dire, écoute, moi, je suis pauvre. Cet enfant-là, son père, il était riche. Il a laissé une grosse somme d'argent. Et moi, je veux bien vivre. Donc, je vais me permettre tout le luxe et toutes les bonnes choses de la dunya. Donc, il commence à dépenser, acheter plein de choses qui coûtent cher, gaspiller l'argent, alors que ce n'est pas à lui. Donc ça, c'est pas correct. Donc il doit respecter ça. Et bil ma'rouf, c'est-à-dire selon qu'est-ce qui est acceptable, selon ce qui est bien vu dans la société, que les gens, ils considèrent que ça, c'est qu'est-ce qui est normal de manger pour quelqu'un de ce rang-là, ou bien de cette classe sociale-là. Tu vois? Parce que chaque personne dans la société, selon son rang social, il y a quelque chose qu'il a l'habitude de manger. Donc, les gens, par exemple, qui sont pauvres, ils ont un certain niveau qu'ils mangent. Et ceux qui sont de la classe moyenne, ils ont quelque chose qu'ils mangent habituellement. Et les riches, ils ont quelque chose qu'ils mangent. Chacun, il a selon son revenu et selon ce qu'il possède, selon ce qu'il est capable. Bil ma'rouf, c'est ça. Selon le urf, selon qu'est-ce qui est la coutume, selon la coutume, c'est ça que ça veut dire. Et il dit وثالث عشر يؤخذ من هذه الآيات أنه يباح لولي اليتيم أنه يحفظ ماله إذا كان فقيرا أن يأكل منه في مقابل العمل في ماله وحفظه ورعايته ويأخذ مقابل ذلك بأن يأكل منه لفقره. فدل على أنه لا يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون الولي فقيرا وليس له ما يكفيه. وثانيا الشرط الثاني أن يكون المقدار الذي يأكله مما جرت به العادة. ويعرف ذلك بالرجوع إلى أهل الخبرة الذين يقدرون حاجة الولي. فالله جل وعلا لم يرخص له أن يأكل من مال اليتيم مطلقا وإنما قال بالمعروف. Donc ici, le cheikh, il explique, c'est ça. Il dit que dans les versets qu'on a lus, il y avait l'explication que s'il est permis au tuteur de l'orphelin de garder ses biens, et parce qu'il est pauvre, il peut, en compensation pour son travail, du fait qu'il s'occupe de lui et qu'il s'occupe de ses biens et qu'il préserve ses biens, il peut prendre un peu de cet argent-là à cause de sa pauvreté, pour en manger un peu. Il dit, et ça c'est la preuve qu'il n'est pas permis pour le tuteur de manger des biens de l'orphelin, excepté s'il y a deux conditions qui sont respectées. La première condition, c'est qu'il est pauvre. Il n'a pas ce qui lui suffit, Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est que la proportion de ce qu'il va manger de cet argent, c'est selon la coutume, comme je disais tout à l'heure, selon le urf. Et il dit, comment on va déterminer cette urf? C'est-à-dire que soit ce sera un juge qui va déterminer une somme spécifique de cet argent-là, et lui, il va dire, bon, selon ton statut, selon cette société, selon ce pays, telle somme, ça te suffit pour manger par mois de cet argent-là. Et il ne pourra pas prendre plus que ça. D'accord? Et si il est riche, il n'a pas le droit d'en prendre. D'accord? Donc, c'est ce que ça signifie quand on dit « bel ma'rouf ». En général, ça revient à qu'est-ce qu'on appelle en arabe « al-urf », c'est-à-dire la coutume, qu'est-ce qui est connu dans selon la coutume de cette société-là. Rabi'a achar. يؤخذ من هذه الآيات أن الولي الغني لا يجوز له الأكل من مال اليتيم وأنه إذا أبيح له الأكل فإنه يكون بالعرف الجاري لا بحسب الهوى والإسراف لأن الله سبحانه وتعالى شرط لأكل الولي من مال اليتيم هذين الشرطين أن يكون فقيرا وأن يكون أكله حسب العرف الجاري المعتدل. Donc c'est ça. Il répète encore le point que si quelqu'un il est riche, il n'a pas le droit de prendre de ses biens, des biens de l'orphelin. S'il est riche, il n'a pas le droit de prendre des biens de l'orphelin. Il a été permis seulement à celui qui est pauvre de prendre de cet argent-là pour en manger un peu, selon la coutume qui est connue dans cette société-là, et non selon la passion, et non selon l'excès ou l'extravagance. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme condition pour que le wali, le tuteur de cet enfant qui est orphelin, pour qu'il puisse manger de cet argent-là, les deux conditions qu'on a mentionnées tout à l'heure, premièrement qu'il soit pauvre et deuxièmement qu'il en mange uniquement selon la coutume qui est juste et équilibrée. خامس عشر يؤخذ من هذه الآية مشروعية الإشهاد على دفع مال اليتيم إليه حتى لا يحصل نزاع بعد ذلك بينه وبين اليتيم والقاصر الذي زال الحجر عنه فإن الإشهاد يكون بينة يكون بينة قائمة تدل على صدق الولي فيما دفعه المال أو في دفعه المال وأما إذا لم يشهد فإنه يكون محل التهمة فينفي هذه التهمة عن نفسه أو ينفي المحذور في المستقبل بأن يشهد شاهدين على أنه دفع مال اليتيم إليه وإن وثق ذلك عند القاضي فإن ذلك أحسن. Donc ici le cheikh il explique comme point numéro 15 que qu'est-ce qu'on peut tirer de ces versets, c'est le fait qu'il est légiféré dans l'islam pour lorsqu'on va remettre à l'orphelin son héritage ou l'argent qui lui revient, de prendre des témoins pour cette soumission-là, ou bien de prendre des témoins pour cet argent-là qu'on lui remet. D'accord? Il dit ça, c'est pour qu'il n'y ait pas de dispute par la suite entre le tuteur et l'orphelin en question, ou celui dont les biens ont été mis sous tutelle, parce que le fait de prendre des témoins, ça devient une preuve établie de la véracité et de la sincérité de ce tuteur qui a remis l'argent. Tandis que si on ne prend pas de témoins, il peut toujours y avoir un doute ou une accusation de dire « Ah, il ne m'a pas remis tout mon argent ». Il ne m'a pas donné tout ce qu'il me devait. Alors, il lui a donné l'argent. Il dit, ok, tiens, prends ton argent, je te le donne. Mais il n'y a pas de témoin. Donc, lui, là, il peut revenir, commencer à dire, non, il m'a donné juste la moitié ou il ne m'a pas donné tout. Et il a gardé une partie. Mais s'il y a des témoins, personne peut disputer par la suite parce que l'argent a été donné sur place et il y avait les témoins et tout le monde a vu que l'argent a été remis. Donc, il n'y a pas de place pour les accusations. Et il n'y aura pas de possibilité dans l'avenir, donc, pour quelqu'un de revenir puis dire « Ah, mais il y a eu un problème, ou il n'avait pas remis l'argent, ou des choses comme ça », puisque les deux témoins sont là, et ils ont témoigné que l'argent a été remis. Et il dit « Si tu veux faire confirmer ça, ou faire authentifier ça chez un juge, dans un tribunal musulman, eh bien, ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Parce que ça va se faire devant le juge. Le juge, il va donner un papier qui confirme que l'argent a été remis. Donc, il ne reste plus d'ambiguïté ou de doute. Quelle heure est-il? 32. Je pense qu'on va s'arrêter ici, Inch'Allah. On continuera la suite, bi'idhnillah, au prochain cours. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.